Tes parents te donnent toutes sortes de choses à faire. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils s'amusent. C'est un peu fort. Écoute, Paul, le week-end prochain, laisse tomber tes parents et viens passer le week-end à la campagne avec Guy et moi. Nous allons chez un oncle qui a une propriété. Ça te plaît? Oh oui, terrible! Merci, Marie-Claire. Viens chez moi. Je vais t'accompagner à la poste pour t'aider à envoyer ton télégramme.